Chapitre 18e, La Rochelle. Quelques mois se sont écoulés. Attaqué du côté de la terre, bloqué du côté de la mer par une jetée et par une flotte, séparé du monde par les forces imposantes que le cardinal de Richelieu a réunies autour de ses murailles croulantes, La Rochelle est arrivée à cette heure fatale où la garnison, affamée et décimée, défend bien plus son honneur que la ville assiégée. Armand Louis et Renaud se sont séparés à Dunkerque, avant de courir à de nouvelles aventures qui peuvent les faire se rencontrer sur des champs de bataille, épée contre épée, ils se sont embrassés. « N'épargne pas plus les catholiques que je n'épargnerai les huguenots, » dit Renaud à son frère d'armes. Et tandis que l'un, déguisé en colporteur, la balle sur la croupe du cheval, cherchait une route écartée qui lui permit de pénétrer dans la place investie, l'autre, au grand jour, le front haut, la rapière au flanc, prenait le plus court, en compagnie de Carquefou, pour se rendre au camp du cardinal. Tous deux avaient réussi. Passant comme une flèche au travers des balles, le cheval d'Armand Louis l'a porté jusqu'aux portes de la ville, qui se sont ouvertes et refermées sur le cavalier. À la première rencontre, Renaud est rentré sous sa tente, l'épée rouge. Il avait payé sa bienvenue. À la vue de son bien-aimé fils, M. de Charnailles, blessé, dévoré par la fièvre et l'insomnie, a trouvé la force de le serrer dans ses bras et de pleurer. « Je mourrai content, » lui dit-il. « Je sais maintenant que tu es digne du sang dont tu sors. » Rien de plus terrible et de plus navrant que l'aspect de La Rochelle. Les boulets et les bombes du cardinal y ont opéré de larges trouées. Des pans de murs sont battus. Des maisons, renversées de fond en comble, fument, à demi rongées par un reste d'incendie. Les églises, toutes portes ouvertes, sont à toute heure remplies d'une foule silencieuse de femmes et d'enfants qui prient à genoux parmi les décombres. Les hommes sont en rempart. À toute minute, un projectile passe en sifflant, heurte un toit, crève un mur, perce une tour et soulève, en tombant, un nuage de poussière. Chaque mur chancelle. Les brèches s'élargissent. Le travail d'une nuit suffit à peine à réparer les désastres d'une heure. Les morts s'amoncellent. On n'espère plus le salut, on cherche l'occasion de bien tomber. La cité tout entière est en deuil. Dans le camp ennemi, abondamment pourvu de toutes choses, le cardinal attend l'heure désirée qui, en lui livrant La Rochelle, lui permettra de porter tous ses efforts sur l'Europe et de frapper la maison d'Autriche. Il calcule combien de jours le séparent encore de ce moment décisif. Il presse le travail des ingénieurs. Il active l'ardeur des soldats. Souvent, il contemple la ville, dont les derniers canons grondent encore. Son regard s'assombrit. « Que de braves gens qui tombent là-dedans » dit-il. « Mais je vaincrai la ville rebelle. Dussé-je n'en pas laisser pierre sur pierre. Il faut que la France soit une et forte dans la main du roi. » Et les batteries qu'il visite après vomissent le fer et le feu. Un matin, M. de la Guerche entre chez M. de Charnailles, qui parfois se traîne jusqu'à un bastion pour mettre lui-même le feu à quelques couleuvrines. C'est l'âme qui soutient la vie et lui commande de durer. Le corps est épuisé. À la vue de son petit-fils, hâve, le regard enflammé, noir de poudre, le vieux gentilhomme se soulève sur son lit. « Eh bien, » dit-il, « tout est perdu, » répond Armand Louis. Monsieur de Charnailles regarde le ciel. « Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite, » s'écrie-t-il, puis assurant son regard et d'une voix ferme. « À présent, va-t-on se rendre ?» reprit-il. « Non, il y a encore des canons en état de tirer, des bras en état de frapper. Alors pourquoi se désespérer? Dieu, qui a sauvé son peuple dans le désert, ne peut-il pas tirer La Rochelle de l'abîme? Un messager est entré cette nuit dans la ville. Tout secours est impossible. La flotte anglaise, lasse de tenir la mer inutilement, regagne ses ports. Nous restons seuls. » Quelqu'un parle-t-il de capituler? Personne. Chacun est à son poste. Mais si c'est assez pour tous de bien mourir, pour moi, je veux faire plus. Parle. Je viens vous demander votre bénédiction. Dans une heure, je serai dans le camp de l'ennemi. Il se peut que je ne revienne pas. Monsieur de Charnailles embrassa Armand Louis. As-tu pensé à Mademoiselle de Souvigny? Lui dit-il. Il n'est pas deux minutes où je n'entende son nom dans mon cœur, répondit Armand Louis. Mais elle sait que la voix de l'honneur est écoutée la première. Si je ne dois jamais la revoir, je veux qu'elle sache que j'étais digne d'elle. Très bien, mon fils. À présent, explique-toi. Nous sommes ici 50 gentilshommes qui avons fait serment de renverser la batterie qui bat la porte de Cogne. C'est un adieu que nous voulons faire au cardinal, une visite que veulent lui rendre des soldats qui n'auront plus bientôt d'autre patrie qu'un tombeau ou qu'une épée. Hier, cette batterie redoutable a été armée de ses dernières bombardes. C'est par là qu'on veut ouvrir la brèche destinée au passage du roi. Ce soir, cette batterie ne sera plus qu'un monceau de décombres. Alors nous aurons payé notre dette, l'honneur sera sauf. Voilà pour la mort, mais pour le succès. Nous sommes 50, je vous l'ai dit. À cette troupe déterminée se joindront 200 piquiers et hommes d'armes qui nous suivront jusqu'au bout. Un émissaire qui a pénétré dans le camp cette nuit nous a fait connaître que le cardinal doit visiter aujourd'hui même de nouveaux travaux de sape entrepris à l'autre extrémité du camp, du côté du fort Saint-Louis. On ne nous croit plus en état de rien tenter hors de nos murs, mais on n'a pas compté sur le secours du désespoir. Le fort Beaulieu, qui fait face à la porte de Cogne, est insuffisamment armé. La garnison, qui compte sur notre épuisement, dort la moitié du jour ou s'éparpille en maraude. À midi, nous fondons sur la batterie que cette garnison est appelée à protéger. Elle sera mal gardée. Nous passons sur le corps de ceux qui la défendent, et si nous pouvons pénétrer jusqu'à la tente autour de laquelle se promène si souvent la robe rouge de Monsieur de Richelieu, nos implacables ennemis connaîtront ce que peut amonceler de ruines une poignée d'hommes résolus à tout braver. Monsieur de Charnailles joignit ses mains sur le front d'Armand Louis. « Que Dieu t'assiste, mon fils, sois béni, » dit-il. Les choses se firent comme Monsieur de la Guerche l'avait annoncé. Un peu avant midi, les 50 gentilshommes et les 200 hommes de pied se réunirent derrière la contre-escarpe qui défendait les approches de la porte de Cogne. Chacun des cavaliers prit un homme en croupe. Au dernier coup de midi, la poterne cachée dans un angle du bastion s'ouvrit et la troupe sortit comme une avalanche. Avant que les sentinelles eussent déchargé leurs mousquets, la distance qui séparait la porte de la batterie catholique fut à moitié franchie. Quelques canonniers, réveillés en sursaut, mirent le feu aux pièces, mais pointées contre le mur, elles envoyèrent leurs boulets par-dessus les premiers rangs. Quelques hommes tombèrent cependant, mais Armand Louis et vingt cavaliers sautèrent dans les batteries avant que les pièces fussent rechargées et firent main basse sur les canonnières. « En avant » cria-t-il aux piquets qui montaient par toutes les ouvertures. « En avant !» répondirent 200 voix exaltées par la fièvre du triomphe. « Moi, je reste !» dit un vieux soldat, et prenant une pioche, il se mit à creuser la terre au pied de l'épaulement. C'était un piquier qui, pris de terreur, peu de jours auparavant, avait abandonné son poste. Depuis lors, on n'avait pas vu visage plus sombre dans la Rochelle. Armand Louis le regarda d'un air de mépris. « À ta guise, tu compteras ceux qui reviendront, » dit-il. Le visage du piquier devint blême. « Que ceux qui reviendront m'oublient, » dit-il. Et il frappa la terre à coups redoublés. Comme un torrent vainqueur d'une digue, le flot des assaillants se précipita sur les lignes de l'armée royale. Mais là, il y avait déjà des bandes rassemblées à la hâte qui portaient l'épée et le mousquet. Les premières, rompues par la violence du choc, se replièrent sur d'autres et la mêlée devint terrible. Cependant, les décharges de la mousqueterie, succédant tout à coup aux détonations de l'artillerie, venait d'attirer l'attention du cardinal. Il quitta la partie des lignes qu'il visitait et regarda du côté de la batterie qui battait en brèche la porte de Cogne. Elle était alors au pouvoir des Huguenots. La première pensée du cardinal fut que les assiégeants avaient reçu des renforts par un côté de ces lignes ouvertes et qu'ils reprenaient l'offensive. Mais aucune troupe ne sortait de la ville. Devant lui, il n'y avait qu'une poignée de combattants. « Eh, c'est une surprise !» « Les loups ont encore des dents » murmura-t-il. Il fit un signe à deux officiers qui partirent au galop, mais déjà pressés de toutes parts et assaillis coup sur coup par des régiments frais, les Huguenots, qui un instant avaient été maîtres du fort Beaulieu, battaient en retraite. Une poignée d'entre eux rentra dans la batterie. Le piquier abandonné tout à l'heure par Monsieur de la Guerche avait jeté sa pioche et poussé dans l'excavation creusée en grande hâte contre l'épaulement trois barils de poudre sur lesquels il avait entassé des madriers, des débris d'affût, des amas de pierre. Tout auprès, on voyait sur le sol une traînée de cendres noires. Le vieux soldat, accroupi à côté de cette mine improvisée, tenait à la main une mèche de canon tout allumée. Après chaque retour offensif, la vaillante troupe conduite par Armand Louis se rapprochait de plus en plus du pitié. Chaque homme était couvert de sang, mais beaucoup n'avaient pu revenir jusque-là. « Aux pièces !» cria la voix retentissante d'Armand Louis. 50 soldats coururent au canon de M. de Richelieu, les tournèrent vers l'armée royale, glissèrent dans les gueules béantes les gargousses et les paquets de mitraille, pointèrent et attendirent. Au moment où les troupes royales, ébranlées un instant par une attaque furieuse d'Armand Louis et de ses cavaliers, revenaient à la charge, M. de la Guerche et sa bande fidèle s'écartèrent. « Feu !» dit-il. Un jet de flamme enveloppa la batterie, qui disparut dans un nuage de fumée. « La retraite, à présent !» cria M. de la Guerche. Et chaque homme valide franchit l'épaulement. « Viens-tu, Jean Gauthier ?» demanda Armand Louis au piquet immobile auprès de son trou noir. Mais le vieux soldat secoua la tête. « Non, si la retraite n'était pas couverte, vous péririez tous. Entendez-vous s'écrier la voix des chefs qui rallient les catholiques ? Vous direz à ceux qui m'ont vu fuir comment je suis mort. » Armand Louis comprit tout. « Ah, pauvre Jean Gauthier, qu'ai-je dit ? » s'écria-t-il. Mais Jean Gauthier lui montra du doigt La Rochelle. « Courez, il faut que ma tâche à moi soit effacée. Votre main seulement. Saute en croupe et partons !» s'écria M. de la Guerche qui, tout ému, lui donna l'accolade fraternelle. Mais déjà, à travers le voile flottant de la fumée, on voyait se dessiner les colonnes d'attaque. D'un geste énergique, Jean Gauthier repoussa le cavalier qu'il venait d'embrasser et se blottit derrière un affût, la mèche fumante à son côté. « Adieu !» cria-t-il. Armand Louis franchit d'un bond le fossé de la batterie et rejoignit les Huguenots. « Chapeau bas, messieurs, » dit-il aux gentilshommes qui se pressaient autour de lui. « Un martyr s'est dévoué. » En ce moment, les troupes royales montaient à l'assaut de la batterie. Bientôt, un essaim d'officiers, l'épée haute, en couronna les travaux démantelés. « Ah, qu'ils sont loin !» dit l'un d'eux qui cherchait les Huguenots du regard. « Ne nous ont-ils pas donné l'exemple de ce qu'il fallait faire ? À vos pièces, canonniers !» cria un capitaine d'une voix furieuse. « Et pointez bas !» Les canons, saisis par une centaine de bras vigoureux, tournèrent de nouveau sur leurs affûts. Armand Louis, tête nue, en arrière de tous les siens, s'était arrêté. Il regardait du côté de la batterie. Au loin, sur le front de bandière du camp, le cardinal de Richelieu, entouré de ses gardes, accourait. Tout à coup, un homme se leva sur la crête de l'épaulement. On vit tournoyer autour de sa tête une mèche allumée. « Vive la religion et mort aux catholiques » cria-t-il, et une explosion formidable fit tout disparaître dans un tourbillon de fumée et d'éclairs. La terre trembla sous les pieds des chevaux, et quelques débris tombèrent auprès de M. de la Guerche. « Dieu et son âme, il a vécu !» dit-il. Derrière lui, et plus près de la porte de Cogne, ceux qui restaient de sa troupe contemplaient l'effrayante horreur de ce spectacle. « Eh eh !» dit un jeune officier dont le cheval blanc d'écume s'arrêtait alors près du cardinal. « J'arrive à temps du moins pour voir le bouquet. »« Ah, vous voilà, monsieur de Chauffontaine !» répondit monsieur de Richelieu. « Il y a dans ce bouquet 10 belles pièces de canon de bronze, sans compter des bombardes et 500 hommes de bonne troupe. » « Mais fallut-il y perdre mes derniers mousquetaires et mes dernières couleuvrines, j'aurai la ville !» La nuit sombre qui s'élevait au-dessus de la batterie, moitié poussière et moitié fumée, s'ouvrait alors sous le souffle du vent. Partout sur le seuil des débris informes, des canons renversés, des murailles abattues, et au milieu de ces ruines toutes fumantes, des cadavres rompus, noircis, calcinés. La batterie était comme un gouffre d'où sortaient 1000 gémissements. M. de la Guerche n'avait pas bougé. Le cardinal le montra de la main à Renaud. « Vous, monsieur, qui avez, m'a-t-on dit, des connaissances dans La Rochelle, pourriez-vous me dire le nom de ce cavalier que l'on voit là-bas ? C'était le même, ce me semble, qui conduisait l'attaque tout à l'heure. » Déjà, M. de Chauffontaine avait mis la main en abat-jour au-dessus des yeux pour mieux voir. « Dieu me pardonne, voilà qui serait plaisant !» s'écria-t-il tout à coup. « Qu'est-ce donc ?» « Hé, Carquefou, ici !» cria de nouveau M. de Chauffontaine, qui n'entendait plus. « Regarde là-bas, derrière ce brouillard qui sent le roussi. Ne vois-tu pas un cavalier en feutre gris monté sur un cheval noir ? Si ce n'est lui, c'est un parpaillot qui a pris sa figure. Je reconnais le cheval, un cheval suédois, monseigneur. Mais regarde donc, imbécile, et réponds au lieu d'écarquer tes yeux. Ah, le coquin !» Votre éminence saura que j'ai dans la place un ennemi qui m'a roué de plus de coups que je n'ai de cheveux en tête. Je l'ai lui rendu au centuple, mais il s'obstine à n'en pas mourir, si c'est lui. Mais parbleu, j'aurais plutôt fait d'aller voir si je ne me trompe pas. » Et piquant des deux, Renaud eut bientôt laissé derrière lui l'escorte du cardinal et la batterie, car Carquefou galopait à ses trousses. « Monsieur le marquis, » disait le valet en courant, « Saint-Estocade va nous jouer quelques tours de sa façon, la peau me cuit. » Chemin faisant, Renaud, qui ne pensait pas plus à La Rochelle et à la porte de Cogne que si les remparts de l'une eussent été en pain d'épices et les canons de l'autre en sucre d'orge, rencontra un gentilhomme huguenot qui voulait se donner le passe-temps d'un combat singulier. « Hors d'ici !» cria Renaud. « Je n'ai pas de temps à perdre !» Et attaquant son ennemi par le flanc, il jeta le cheval sur le cavalier. Un autre vint. « Hé, Marot, est-ce donc un jeu d'écolier ?» reprit M. de Chauxfontaine. Et cette fois, d'un revers de son épée, il précipita le cavalier sous le cheval. Armand Louis, qui assistait de loin à ce spectacle comme à un tournoi, fit sentir l'éperon à sa monture. Renaud, que la colère commençait à gagner, couse sur lui l'épée haute. « Viens ça que je te coupe en quatre » cria-t-il. « Viens, toi qui fais une marmelade des fidèles sujets de sa majesté très chrétienne, et mets en compote ses canons !» Mais lorsqu'il vit Monsieur de la Guerche face à face, il jeta son épée et l'enveloppa de ses bras. « Mordieu ! Qu'il fait bon de s'embrasser après un aussi long temps » dit-il. Et il le serra contre sa poitrine à l'étouffer deux ou trois fois de suite. « Cher Parpaillot, que Dieu confonde, je suis content de toi » reprit-il sans donner à Monsieur de la Guerche le temps de répondre. « Tout compte fait, j'ai bien tué 27 huguenots depuis Dunkerque. Mais j'ai l'idée que tu t'es rattrapé aujourd'hui sur mes bons amis les catholiques. » Carquefou saluait de loin Monsieur de la Guerche. « Approche donc, maroufle !» cria Renaud. « Viens voir comment est faite une ville qu'on va prendre d'assaut. »« Je viens, monsieur, je viens. Mais c'est à la condition que les canons que j'aperçois là-bas ne se mêleront pas à la conversation, » répondit Carquefou qui prit le trot. « Si cependant ils veulent tirer, nous avons des amis là-bas qui semblent poser tout exprès pour servir de cible. » Renaud s'appuya sur le pommeau de la selle comme un homme qui veut prolonger l'entretien. « Laisse tirer, » reprit-il, « ce sont des tics, tout cela. » Et frappant de la main sur l'épaule d'Armand Louis, « Que ne donnerais-je pas pour que Mademoiselle de Pardaillan et Mademoiselle de Souvigny fussent là en place de Monsieur le Cardinal et de son ombre le Père Joseph ?»« Elle verrait comment se conduisent de bons gentilshommes. Embrasse-moi encore. »« Volontiers, » répondit Monsieur de la Guerche, qui trouva enfin l'occasion de placer un mot. « Et à présent, ami, quand nous reverrons-nous » Renaud montra la ville du bout de son épée et changeant de ton. « Tout est donc perdu là-dedans. Tout. » Renaud étouffa un soupir. « On donnera peut-être l'assaut demain, » reprit-il. « Si tu n'en sors pas, que veux-tu que je dise à Adrienne ?»« Que j'ai fait mon devoir jusqu'au bout et que ma dernière pensée a été pour elle. » Renaud serra silencieusement la main d'Armand Louis. « Allons, si l'on donne l'assaut, j'y monterai l'épée au fourreau. » Ils échangèrent une dernière accolade, et l'un des cavaliers poussa du côté de la ville, tandis que l'autre galopait vers le camp. Tous deux avaient les yeux humides et le cœur gros. Un quart d'heure après, M. de Chauxfontaine rejoignait le cardinal. « C'était bien lui, » dit-il, « mon ami, M. le comte de la Guerche, le plus brave soldat qui ait jamais tenu une épée ou manié un cheval. C'est pourquoi vous l'avez si gaillardement embrassé, » dit un mousquetaire. Monsieur de Chauxfontaine regarda fièrement le gentilhomme. « Si le cœur vous en dit, monsieur, monsieur de la Guerche est encore au pied du glacis, » reprit-il. « En quelques minutes, vous pouvez avoir le plaisir de causer avec lui. » Une troupe nombreuse d'officiers s'ébranla. Le canon de la place se fit entendre. « Pas encore, messieurs, » dit le cardinal qui étendit le bras. « L'heure n'est pas venue. » On se tut. Son éminence ne souriait plus. Le ministre tourna lentement la tête autour de lui. « Le capitaine qui commandait la batterie est-il là ? » demanda-t-il. « Monsieur d'Albret est mort, » répondit un cornette. « Il a bien fait. Vous, messieurs, s'il vous arrive de commettre une étourderie, imitez-le. Vous m'épargnerez la peine de faire décapiter le coupable. » Carquefou frissonna dans sa peau. « Dieu, qu'il fait bon de n'être pas capitaine !» murmura-t-il. Un moment après, on n'entendait plus dans la batterie que le bruit des pioches. Le ministre avait ordonné que le dégât fût réparé avant la nuit. Deux jours après, les troupes royales entraient dans La Rochelle, qui s'était rendue à bout de vivres et de munitions. Au milieu du silence morne des rues, auquel succédait par intervalles le tumulte des régiments cherchant leur quartier, un officier courait par la ville, escorté d'un grand cavalier qui regardait partout d'un air curieux. Ni les soldats pliant sous le poids du butin, ni l'attitude désespérée des vaincus, ni la marche des canons roulant parmi les décombres ne les pouvaient distraire. Monsieur de Chauffontaine et Carquefou étaient en quête d'Armand Louis. « Penses-tu qu'il soit tué ?» disait Renaud dont le visage commençait à s'obscurcir. « Monsieur, c'est possible, » répondait timidement Carquefou. Ce qui ne l'empêchait pas d'arrêter les passants pour les interroger, mais l'un lui montrait les ruines et l'autre lui indiquait du doigt les larges fosses fraîchement remuées et tous lui répondaient « Cherchez !»« Mordieu, nous ne faisons que cela depuis 3 heures !» s'écriait Renaud. Cependant, un petit bonhomme à la mine éveillée et triste, qui depuis un instant se glissait le long des murailles suivant les cavaliers, s'approcha furtivement de Renaud et le tirant par le bas de son manteau. « Vous ne voudriez pas faire du mal à un brave soldat qui s'est toujours bien conduit » dit-il. « Moi, du mal ? À qui ?» répliqua Renaud. « À monsieur de la Guerche. »« Tu le connais ?» L'enfant fit un signe de tête. « Eh, par la mort Dieu, je suis son meilleur ami, aussi bon catholique qu'il est enragé huguenot. Si tu sais où il est, conduis-moi vers lui sans plus tarder, il y aura un écu d'or pour toi. » « Gardez l'écu et suivez-moi. » L'enfant s'enfonça d'un pas rapide dans une ruelle et arriva au bout de quelques minutes dans un couloir obscur qui l'enfila. Au bout de ce couloir, il y avait une porte, et derrière cette porte que l'enfant poussa, une chambre au milieu de laquelle un cercueil reposait sur 2 escabeaux. La planche n'était pas clouée, et la tête livide et nue de monsieur de Charnailles se montrait au bord du drap. 2 hommes étaient debout aux 2 côtés de la bière. L'un était Armand Louis, l'autre un ministre protestant. Le ministre lisait un passage de l'Évangile. Armand Louis leva ses yeux tout brillants de larmes. Du doigt, il montra à monsieur de Chauffontaine une tache de sang qui rougissait le linceul, à la place où le drap blanc touchait le cœur de monsieur de Charnailles. « Et ils ne mourront point, » dit le ministre, « parce qu'ils sont morts dans le Seigneur. » Dieu le recevra dans sa miséricorde. C'était un homme de bien et de grand courage, dit Renaud, qui se découvrit et se signa. 2 soldats entrèrent, dépouillés de leurs armes, mais portant encore la casaque militaire. Armand Louis baisa le mort au front, cloua la planche, et d'un pas ferme suivit le cercueil que les 2 soldats emportaient. Monsieur de Chauffontaine avait le cœur serré. Carquefou ne respirait plus. Tous 2 marchaient derrière Armand Louis. L'humble cortège pénétra dans un petit jardin au milieu duquel une fosse était ouverte. Le cercueil y fut descendu. Armand Louis resta debout, les pieds dans la terre humide. Le ministre prit une pelletée de cette terre et l'acheta sur le cercueil qui rendit un son sourd. Renaud fléchit le genou et Carquefou, qui pleurait, joignit les mains. « Que la poudre retourne à la poudre, » dit le ministre. Puis, levant les yeux au ciel, « Celui-là fut injuste. Reçois le Seigneur dans ta lumière, et qu'il soit assis à ta droite dans l'éternité. » Les 2 soldats prirent chacun une pelle, et la fosse fut bientôt comblée. Armand Louis cacha sa tête entre ses mains et se mit à sangloter. « Vous ne lui ferez pas de mal, » répéta l'enfant qui passa à côté de Renaud. « Sans lui, ma mère n'aurait pas eu de pain. » Quand le ministre se fut retiré, Armand Louis s'assit sur le tronc d'un gros poirier brisé par une bombe. « À présent, que veux-tu » dit-il à monsieur de Chauffontaine. « Ah, c'était un vaillant homme de guerre !» murmura Renaud, dont les regards ne pouvaient se détacher de la fosse. « Un cœur droit, une main fidèle et généreuse. Si Saint-Pierre ne lui ouvre pas toute grande la porte du paradis, par Saint-Estocade, ma patronne, je lui dirai qu'il a tort. » et que ce n'est pas agir en bon chrétien. « Dieu m'accorde une pareille mort, » répondit Armand Louis. « Hum ?» fit Carquefou, qui tressaillit. Il y eut un instant de silence, puis Renaud, se secouant comme un soldat qui rentre, après une heure donnée aux larmes, dans les réalités de l'existence, saisit la main de son ami. « Ça, reprit-il, les morts sont morts. Je m'adresse aux vivants. Son éminence, monseigneur le cardinal de Richelieu, généralissime des armées du roi, veut te voir. « Moi ?» dit Armand Louis qui releva la tête. « Toi en personne et nul autre. Je lui ai conté ton histoire et il m'a dépêché vers ta seigneurie en ambassadeur. Ainsi, hâtons-nous. Et tu veux que j'aille chez le cardinal, noir de poudre, couvert encore du sang de ses soldats ?» « Bien, te dis-je, son éminence n'a pas de préjugés. » Armand Louis regarda la fosse où dormait M. de Charnay. « Adieu donc. Ce que tu as été, je tâcherai de l'être, » dit-il, et secouant la poussière de ses pieds. « Sais-tu ce qu'il peut avoir à me dire, le cardinal, généralissime des armées du roi ? » reprit-il. « Non. Marche, je te suis. » Le cardinal était logé dans un hôtel, ça et là lézardé par le passage de quelques boulets, mais encore habitable. Un peuple d'officiers, de pages, de mousquetaires, de serviteurs allait et venait dans les cours. M. de Chauxfontaine remit son nom et celui de M. d'Aguerche au mousquetaire de service à la porte de son éminence. Un instant après, un secrétaire parut dans la pièce où les deux amis attendaient et appela M. de l'Aguerche. Renaud frappa sur l'épaule d'Armand Louis. « Si le ministre te nomme roi de France et de Navarre, nomme-moi capitaine des chasses. » Une porte s'ouvrit, et M. de Laguerche entra chez le ministre. Il le trouva signant des dépêches sur lesquelles un secrétaire apposait le sceau du roi. « Monsieur, je suis à vous, » dit le cardinal à M. de Laguerche, et du doigt il lui montra un siège. Armand Louis s'assit. Le cardinal expédia 4 ou 5 dépêches, puis, congédiant le secrétaire d'un geste, il se tourna vers le huguenot qui examinait attentivement l'homme devant lequel toute la France s'était inclinée. « Monsieur, reprit le cardinal, je sais qui vous êtes. D'où vous venez et ce que vous avez fait. Alors je suis tranquille, monseigneur. » Voilà un mot qui prouve que vous ne l'étiez pas en venant ici. C'est vrai, j'étais parmi vos ennemis et vous êtes vainqueur. En dernier lieu, j'ai fait périr 500 hommes des troupes que votre éminence commandait. Peut-être ai-je pensé qu'elle voudrait faire un exemple en condamnant à mort, non pas celui d'entre nous qui a le mieux défendu La Rochelle, chacun parmi les nôtres ayant fait son devoir, mais celui que le hasard a mis le plus en évidence ces jours-ci. Quand j'ai suivi M. de Chauxfontaine, le sacrifice de ma vie était fait. Vous vous trompez, monsieur. Vous avez agi en vaillant soldat, et le prince devant qui vos boulevards se sont écroulés s'appelle Louis le Juste. Mais à présent que La Rochelle est terrassée, il n'y a plus en France ni catholiques ni huguenots. Il n'y a, vivant et debout, que des serviteurs du roi. Voulez-vous prendre du service dans ma compagnie de mousquetaires? Un de vos boulets m'a privé d'un capitaine presque aussi brave que vous. Vous plaît-il de ramasser son épée? Merci, monseigneur. Vous vous vengez en homme de guerre. En homme d'église, monsieur. Soit. Mais en vous assurant de ma reconnaissance, et elle ne passera pas, je vous le jure, je le sais. J'ai le regret d'ajouter que je ne puis malheureusement pas accepter. Ah, je quitte la France. Et vous allez en Suède, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Monsieur de Laguerche rougit. Vous venez de répondre sans parler. Ah, jeunesse du cœur, reprit le cardinal en souriant, quelle citadelle est plus forte que toi? « Je n'entreprendrai pas de vaincre votre résistance, monsieur. Un capitaine dont le bras serait en France et le cœur en Suède ferait un mauvais soldat. Partez donc. Mais je veux tout d'abord vous donner une preuve de l'estime en laquelle je vous tiens. Vous plaît-il de vous charger d'une lettre pour le service du roi ? Ordonnez. » Le cardinal se plaça devant une table, écrivit quelques lignes, les signa, scella le pli et le remettant à monsieur de Laguerche. Vous m'en répondez sur votre honneur de gentilhomme, dit-il. Vivant, vous présenterez ce pli au roi Gustave Adolphe, à lui-même et à nul autre. Fût-ce le chancelier Oxenstern. Mort, cette lettre périra avec vous. Je vous le jure. Allez, à présent, monsieur. Et si jamais la fortune vous trahit en ces lointaines contrées, rappelez-vous qu'il y aura toujours en France et pour vous une place à l'armée, une charge à la cour. Armand Louis se leva. Il avait devant lui le grand ministre, l'homme d'État dont l'Europe connaissait le vaste génie et redoutait les profondes combinaisons. Il s'inclina respectueusement, serra le pli sur son pourpoint et sortit. « Eh bien ?» lui demanda Renaud. « Es-tu roi ?»« Pas encore, » répondit Armand-Louis en riant. « Et en attendant, qu'a-t-on fait de toi ?»« Rien, je reste ce que j'étais, un voyageur. »« Tu pars ?»« Pour Vienne, pour Madrid, pour La Haye. »« Parle donc, tu me tiens sur le grill. » « Mon pauvre Ligueur, je retourne en Suède. »« Incorrigible !» murmura Renaud, dont l'enthousiasme disparut. Puis, soupirant, « Tu verras certainement Diane, c'est-à-dire Mademoiselle de Pardaillan, » reprit-il. « Essaie de savoir si elle se souvient par aventure d'un gentilhomme du nom de Renaud. »« Que ne viens-tu t'en assurer toi-même ? J'imagine que Mademoiselle de Pardaillan aura quelque plaisir à te répondre. Le crois-tu ? J'en suis sûr. » Renaud soupira plus fort. « Ah, c'est impossible !» continua-t-il. « Puis-je m'exposer à l'humiliation d'un refus ? Elle a des ducats à remuer à poignée, des forêts à chauffer une ville, des châteaux à loger une armée, des pierreries à éblouir un conclave, et moi je n'ai que la cape et l'épée, et en sus, Carquefou, en tout, à rien !»« Merci !» murmura Carquefou. « Et la terre de Chauxfontaine avec ses étangs, ses bois, ses prés, ses moulins, n'est-ce point quelque chose ?» poursuivit M. de la Guerche. « Ah, Parpaillot, tu railles ! Les Juifs ne peuvent plus rien prêter sur la bicoque, les étangs sont à sec, les bois ont été coupés et mis en fagots, les prés sont tondus et plus chauves que la tête d'un moine, les moulins n'ont plus ni blé ni meule. Non, te dis-je, il faut que je fasse pénitence aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui. » La sagesse le veut, la résignation m'y condamne. Plaise à Dieu que j'y trouve la guérison. Tu as donc trouvé une autre, madame Digomère ? Hélas, oui. Thécla s'appelle à présent Clotilde, Clotilde de Mirbal. Elle est brune. Elle a des yeux noirs, elle a 20 ans. Ah, je suis bien malheureux. Renaud passe un mouchoir sur ses yeux. Donc, reprit-il, tu mettras mon cœur au pied de Diane et tu lui diras qu'un pauvre chevalier se meurt d'amour pour elle sur la terre d'exil. Et dans le château de Mirbal, traître, si malheureux qu'on soit, ne faut-il pas toujours qu'on demeure quelque part? Embrasse-moi, et que Dieu te conduise. Si Clotilde ne me guérit pas, dans 15 jours je galope après toi. Armand-Louis quitta La Rochelle dans la nuit.